Chapitre 5e. Les bizarres connaissances du marquis Santonelli. Si Gênes n'a plus aujourd'hui l'importance qu'elle avait au temps où elle rivalisait à son avantage avec Marseille, porte ouverte sur l'Orient, elle a gardé toutefois le fier prestige de sa splendeur passée. Elle n'a certes point l'aspect quelque peu cosmopolite de notre grande cité phocéenne, mais ses vieux palais, dont beaucoup datent du XVIe siècle, témoignent encore de sa puissance autant que de sa richesse, alors que les nefs et caravelles de ses navigateurs sillonnaient les mers. Mais c'est dans le vieux Gênes, s'étendant autour du port, qu'on remarque les plus curieux vestiges évocateurs du temps jadis. Il y a là des rues étroites, irrégulières, typiques de toutes les anciennes villes maritimes et que les plus coûteux embellissements ne parviennent pas à faire disparaître. Des générations d'habitants s'y sont succédées, et ceux qui vivent aujourd'hui se croiraient dépossédés d'un bien qu'ils considèrent comme leur appartenant en propre s'ils venaient à quitter les vieux quartiers. On n'y rencontre que rarement des gens élégamment vêtus, et ceux-ci encore sont-ils généralement des étrangers, touristes de passage, visitant cet étrange dédale de voies tortueuses, en travers desquelles sont suspendues, durant le jour, des quantités de linge lavé et séchant au souffle de la brise marine. C'était pourtant dans ce cloaque assez malodorant que venait de s'engager le marquis Santonelli, qui semblait en connaître tous les coins et recoins comme s'il lui était des plus familiers. Après avoir ainsi erré un certain temps, il s'arrêta enfin aux abords d'une maison basse, d'aspect plus sordide encore que ses proches voisines. Une bizarre boutique de brocanteur étroite comme un boyau en occupait le bas. Véritable capharnaüm d'objets hétéroclites qu'on distinguait difficilement derrière les vitres atrocement poussiéreuses. La porte en était ouverte, et sans hésitation aucune, Santonelli descendit les deux marches vermoulues qui donnaient accès à l'intérieur. Rien ne semblait l'y surprendre, il ne donna même point un coup d'œil au chaos de vieillerie qui s'amoncelait dans cet antre. Son regard seulement s'efforçait de percer l'obscurité ambiante, tandis qu'il se dirigeait vers un assez lointain point lumineux, une fenêtre, donnant un jour douteux dans l'arrière-boutique. Comme l'araignée qui, dans l'ombre, guette la mouche venue se prendre au piège de sa toile laborieusement tissée, un être hoffmanesque, pour ainsi dire, surgit de derrière une pile de livres et s'avança, le visage tordu d'un saisissant rictus, vers ce client de passage. À peine avait-il fait quelques pas toutefois qu'il s'arrêtait soudain, laissant échapper ce seul mot « Luciano ». Le marquis eut un haussement d'épaule, sa voix se fit railleuse et tout de suite il répliqua « Eh bien quoi ? Cela ne te surprend tant que cela de voir ici, Mentana ? Tu as donc toujours la main inquiète ? Non, mais tu penses encore au passé. Ne t'en fais donc pas, tout ça c'est depuis longtemps oublié. Il ne fait pas bon me trahir, tu l'as appris à tes dépens, et j'espère que la leçon t'a été profitable. Un bon coup de stylet qui t'a mis à deux doigts de la mort, tu le méritais bien. Je ne veux donc pas te corriger à nouveau, sois sans crainte à ce sujet. » Mentana ne semblait qu'à demi rassuré. Pouvait-il réellement se fier aux paroles qu'il venait d'entendre? Il avait des doutes à cet égard, mais n'en laissa rien paraître. « Écoute-moi bien, » reprenait le marquis, « j'ai besoin de tes services. » L'autre parut s'alarmer. Qu'allait-il bien pouvoir lui demander? Avec Santonelli, il était payé pour le savoir, on pouvait s'attendre à tout. Luciano avait lu dans ses pensées et tout de suite déclara avec un beau dédain « Povero mio, crois-tu donc que j'aurais recours à toi s'il s'agissait d'un coup dur? Encore une fois, sois tranquille, j'ai simplement besoin que tu me tuyautes. Sur quoi? Je cherche un palais à acheter. » Mentana en demeura abasourdi. Il connaissait bien Luciano, nous venons de le voir, mais ce qu'il venait de lui dire l'éberluait littéralement. « Un palazzo ? » répéta-t-il en écho. « Oui, tu m'as bien entendu, » reprit le marquis, « la somptueuse résidence de quelque ancienne famille ruinée, mais un vieux palais qui est de l'allure. Rien de ces luxueuses demeures modernes comme on en rencontre dans les quartiers neufs. » Mentana ne s'aventura pas dans des questions oiseuses. Les raisons qui dictaient la conduite du marquis devaient être sérieuses, et mieux valait ne pas chercher le pourquoi des choses. Il réfléchit quelques instants, puis, rompant le silence, déclara. « J'ai beau chercher, je ne vois guère que le palais Pizzano qui réponde à ce que tu demandes. « Pizzano ? » interrogea le marquis, consultant sa mémoire. « Oui, une des plus anciennes familles génoises, des plus riches aussi. Elle ne compte plus aujourd'hui qu'une dernière descendante, la comtesse Laure Pizzano, réduite à une misère à peine dorée. Une vieille originale qui serait heureuse, j'en suis sûr, de se défaire de cette demeure seigneuriale, pleine de vieux meubles, dont elle n'a jamais voulu se séparer. Pour se procurer des ressources, coupa le marquis. Oui, il y a de cela, mais en outre, pour se soustraire à une hantise qui l'obsède au point de la rendre à demi folle, maintenant surtout qu'elle a presque un pied dans la tombe. « Que veux-tu dire ?» Mentana très sérieusement poursuivit. « Le palais Pizzano passe pour être hanté. »« Allons bon, cette vieille bâtisse aurait un fantôme qui vient avec tout un cliquetis de chaîne troubler la nuit le sommeil de la comtesse. C'est cela que tu veux dire ?»« Ne plaisante pas avec les choses de l'au-delà, Luciano !» murmura le brocanteur, superstitieux comme la plupart des Italiens. « Il s'agit là d'une très vieille histoire, mais qui a sur les légendes l'avantage d'avoir un fond très véridique. Allez, vas-y de ton compte à dormir debout. »« Eh bien, commença Mentana, il paraîtrait qu'au XVIe siècle, l'un des ancêtres de la comtesse Laure, un certain Pietro Pizzano, qui faisait commerce dans les îles du Levant et s'absentait fréquemment, revint un jour à Gênes à l'improviste, sa flottille de caravelles ayant été poussée par un vent favorable. Rentré de nuit dans son palais, il surprit sa femme, la belle Gioconda, avec son amant, un grand seigneur dont le nom m'échappe pour le moment. Ivre de fureur, il saisit la dague qu'il portait au côté, pendue à sa ceinture, et bondissant sur celui qu'il avait outragé dans son honneur, par trois fois, il lui implanta la lame au cœur. La victime s'écroula baignant dans son sang, et Pietro Pizzano commanda à deux de ses plus anciens valets, dont la fidélité lui était acquise, de jeter le cadavre dans une ruelle obscure, à certaine distance du palais. On ne plaisantait pas à l'époque, lorsqu'il s'agissait du meurtre d'un noble seigneur, par un simple bourgeois de la ville, fût-il riche comme l'était l'armateur. La cour de justice se réunissait et les juges prononçaient inévitablement la peine de mort contre l'assassin, eût-il même vengé son honneur, comme c'était le cas pour Pietro Pizzano. Le corps fut découvert au matin, et l'enquête ouverte par les sbires de la police conclut que la victime était tombée sous les coups de ruffians qu'il avait attaqué la nuit pour le voler. Grâce à la complicité des deux valets qui surent observer un prudent silence, le crime demeura donc impuni. Et ce serait ce fantôme-là qui viendrait hanter le palais Pizzano ? Attends donc, il s'agit d'un double crime, tu ne connais que la première partie. J'arrive à la seconde, qui est entourée d'un profond mystère que nul n'est jamais parvenu à éclaircir jusqu'aujourd'hui même. Je ne t'ai encore rien dit de la Gioconda. Ah oui, au fait, qu'est-elle devenue cette satanée petite Gioconda ? Allons, ne me fais pas languir. En voyant son amant assassiné sous ses yeux, reprit Mentana, elle ne tenta même pas de lui porter secours. Et elle s'évanouit. Pas du tout. Horrifiée, elle sauta à bas de sa couche, et prise d'une terreur à nulle autre pareille, elle s'enfuit à demi nue, poursuivie par son mari à travers les salles du palais, en poussant des cris de démente. Nul jamais ne la revit, ni morte, ni vivante. Cette disparition de la belle Gioconda Pizzano, dûment annoncée par l'armateur, demeura une énigme pour tous ceux qui avaient connu la jeune femme. Sans aucun doute, Pietro aurait fini par être inquiété à ce sujet si un mois plus tard, il n'avait pas trouvé la mort dans le naufrage d'une de ses nefs qui se rendait à Malte. De sorte qu'on ne sait pas ce qu'est devenue la Gioconda, mais ce n'est pas là une raison suffisante pour qu'elle vienne la nuit, couverte de son ample suaire, troubler la quiétude du palais Pizzano et le sommeil de la comtesse Laure. Non, mais cette dernière est persuadée que son ancêtre l'armateur, se faisant le justicier de son honneur, s'est vengé d'une façon atroce. Il aurait fait emmurer sa femme vivante quelque part dans son palais, et depuis lors le squelette de celle qui fut la belle Gioconda serait toujours là, tombé en poussière dans un coin de la demeure seigneuriale que personne ne connaît. Cette révélation de Mentana avait laissé le marquis songeur. Dans les caves, probablement, avança-t-il enfin. Ce n'est pas certain. L'époque à laquelle remonte ce drame intime est fertile en châtiments analogues, car les belles n'étaient guère fidèles, et leurs maris se montraient fort jaloux. Or, les justiciers de leur propre honneur semblaient éprouver une joie cruelle, à savoir leur victime toute proche d'eux mourir de faim et de soif, vivante entre les quatre murs d'un effroyable in pace. Mais elle est lugubre, ton histoire, dut reconnaître le marquis. Fort heureusement, ce n'est probablement qu'une sinistre légende, comme tant d'autres. Tu en croiras ce que tu voudras, mais il n'en est pas moins vrai que pour le cas tout spécial de Gioconda Pizzano, j'ai trouvé un document assez troublant parmi ce fatras de vieilles paperasses. C'est une note, écrite d'une main tremblante et malhabile, où celui qui l'a tracée déclare dans une confession in extremis avoir contribué comme maître maçon à l'emmurement de la malheureuse Gioconda Pizzano, pour obéir aux ordres formels de l'armateur qui assistait à cet acte inique. Pris de remords sur le tard, le maître maçon, dont la signature d'ailleurs est illisible, n'avait pas voulu mourir sans faire l'aveu de ce qu'il considérait comme complicité de crime, mettant son silence sur le compte de la crainte qu'il avait de passer en jugement. Et donna-t-il quelques indications au moins permettant de découvrir l'emplacement de cette cache qui aurait servi de sépulture à la morte vivante? Mentana eut un moment d'hésitation avant de répondre. « Ma foi, je ne me souviens pas, mais je crois bien que non. Tu sais, je n'attachais guère d'importance à ce document, qui n'en offrait pour moi qu'à titre de curiosité. C'est regrettable, parce qu'à mes yeux, il en a beaucoup. » L'intérêt que le marquis portait à ce vieux document, dont il ignorait l'existence jusque-là, échappa d'autant moins au brocanteur que son interlocuteur ajoutait aussitôt « Il faut absolument que tu me retrouves cette confession du maître maçon, tu m'entends ?»« C'est plus facile à dire qu'à faire, » répliqua l'autre à qui cette insistance paraissait de plus en plus étrange. Il eut un geste pour désigner l'amoncellement des paperasses et les piles de livres. « Va donc t'y retrouver dans ce fouillis. Je ne sais même pas si je n'ai point détruit ce papier avec tant d'autres vieilleries que je jugeais ne m'être bon à rien. » Instinctivement, Saint-Tonelli soupçonna un mensonge. Le brocanteur flairait-il une affaire, et ne voulait-il pas lui demander un bon prix d'un document auquel le marquis semblait attacher une valeur exceptionnelle? « N'essaie pas de me rouler, Mentana » appuya-t-il en le fixant de mauvais regards. « Je veux cette pièce, il me la faut. Compris, n'est-ce pas? Je la chercherai, sois sûr. Mais tu retournes m'en vouloir, Luciano, si je ne la retrouve pas. Quant à te rouler, tu sais bien après ce qui s'est passé que je ne m'y risquerai pas. » Comme tu me l'as dit, la leçon était bonne, elle m'a suffi et je ne l'ai pas oubliée. » Saint-Tonelli parut flatté qu'il reconnut ainsi son autorité. Il lui tendit la main et prit congé en disant « Eh bien, je compte sur toi pour me retrouver ce papier. Et maintenant, je vais de ce pas chez la comtesse Pizzano. Peut-être bien arriverai-je à faire l'affaire pour cette vieille masure où la nuit se balade la belle Gioconda en rupture de suaire. »